pas pépé dans un coin. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Critique-moi si tu peux avec la team habituelle. Et je vais commencer par le meilleur d'entre nous, Pierre. Bonjour, bonjour. Eh oui, tu y as cru hein, que c'était toi le jeune Padawan. Eh ben vas-y, jeune Padawan, bonjour. Salut Arnaud. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va bien. C'est la petite forme. Ben, depuis que je vous retrouve, non, ça va mieux. Ah, franchement, voilà. On sent que ça va mieux. C'est ouais. Le retour. Et à distance, puisque nous sommes tous au même endroit, réunis dans le monde virtuel, Antoine. Bonjour. Ça va? Ça va. Depuis que la France a gagné contre la Belgique, on est en live. Enfin, quand vous écoutez, non, on sera peut-être déjà éliminé, mais c'est pas grave. Et Sylvia. On est dans le thème du RN, c'est les femmes en dernier, du coup. Hello. Ouais, et on vient de battre le Portugal, Sylvia. Qu'est-ce que tu penses de ce quart de finale? Et on a encore gagné sans marquer un but. Est-ce que tu serais pas plein d'espoir? Bon, alors, épisode particulier, puisqu'il se trouve que c'est notre 34e enregistrement qui se déroule à la 32e c'est place l'épisode, de l'épisode notre perdu, ordre quoi. Des podcasts, puisque l'épisode perdu de Pierre qui avait trouvé The Thing comme film, et c'est un très bon podcast, on l'a perdu. Et du coup, on est revenu dans le passé, et le paradoxe temporel a fait que Pierre a choisi un autre film. Et Antoine avait mis une contrainte extrêmement originale qui colle à l'actualité. Un petit truc en plus, et oui, qui fait hommage au film d'Artus qui cartonne, je crois. Un clin d'œil. Et ouais, un clin d'œil qui s'approche des 10 millions. Et j'avoue que Pierre nous a fait un. C'est rare que je dise ça, mais un petit coup de maître, mais souvent Pierre il tombe juste quand même. Il a choisi In Bruges. Antoine a fait une référence au sport. Enregistré là. J'ai fait deux références, une au foot, une à la littérature. Et retenez la référence à la littérature parce que je vous donne rendez-vous pour les recommandations où nous reparlerons de ça. Il faudrait que je réécoute du coup parce que j'ai pas entendu ça au lag. Ça devient trop. Bah, on va pouvoir être sur France ça. Culture bientôt. Donc bienvenue à Bruges. À Bruges. On s'en est mis une bonne. Hein. Ouais. Une bonne bienvenue Bruges. À Bruges. Et donc un film de 2008 avec un trio d'acteurs bien connus, Colin Farrell, Ralph Fiennes et Brendan Gleeson, et un film de Martin McDonagh. Pas McDonald's, hein, j'ai bien dit McDonald's. Donc Pierre, alors en fait c'est le paradoxe, c'est que tu vas devoir un peu spoiler déjà rien que pour que tu dises pourquoi tu as choisi ce film. Alors le thème c'était un petit truc en plus et du coup il y a une personne de petite taille, on va dire un nain, qui est dans ce film et qui a un petit rôle quoi, un petit rôle important. Donc un petit truc en plus au film, voilà. Bon, à la fin du film, il a un grand truc en moi. Ouais, ouais, j'essayais de pas spoiler mais Antoine il y va toujours comme ça. Ça c'est... Alors... Je trouve que si je peux me permettre, je te coupe d'entrée de jeu avant que tu nous fasses un petit pitch de cette histoire. C'est que tu peux voir ça, le petit truc en plus, pour le côté du nain, mais tu peux voir ça aussi, je trouve, pour les personnages aussi qui ont un petit truc en plus, d'un certain côté, dans leur façon d'être. C'est que pour moi, le film, il rentrait dans les deux. Il avait deux façons de rentrer dans la catégorie du petit truc en plus. Ouais, alors, c'est-à-dire que oui, tu as le. Bon, je pense qu'on était visiblement mais... pas d'accord sur. C'est quoi le petit truc en plus? Quand je donnais mes propositions du petit truc en plus, Antoine n'était pas d'accord. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de trouver un truc un peu plus dur à contredire comme thème de petit truc en plus. Mais du coup, je vois pas de quoi tu parles. Comme ils ont un petit truc en plus. Quoi, les personnages ont un petit truc en plus? Le fait qu'ils soient tueurs à gages? Ah bah bon, on y reparlera dans leur attitude. Ils sont tous un peu barrés quand même. Exactement. Bah, c'est des tueurs à gages, quoi. Donc je veux dire, je pense pas qu'ils soient. Ouais, oh, c'est des tueurs à gages. Non, c'est... on est dans un. Enfin. Autre... On est dans le niveau ne cartoon. Rentrons pas tout de suite dans le vif du sujet. On voit que Pierre ne maîtrise pas encore tout à fait son film. Il a une faiblesse, ce Pierre. Ouais. Il avait trop confiant, 2-0 à la mi-temps. Bah, et il risque de perdre 3-2 à la fin du match. Je ne suis pas d'accord sur le truc. Alors, je viens de l'OP, mais bon. Voilà. Il a dissous l'assemblée. Il s'est dit, moi, je gagne finger in the nose. Et hop, il laisse échapper un truc. Aïe, aïe, aïe. Alors, vas-y, Pierre, raconte-nous de quoi ça parle, en fait, ce film. De tueur à gage suite à, on va dire, un contrat qui s'est pas forcément bien fini. Enfin, qui s'est fini, mais il y a eu des conséquences un peu bizarres. Non, pas bizarre, non. Bon, un petit peu quand même. Qui se retrouve... Pas prévu. Accidentel, ouais. On va dire en pause ou en attente de la suite de leur mission envoyée à Bruges. En mode, bah, mettez-vous là-bas, planquez-vous et puis attendez les nouveaux ordres. Et donc, ces deux tueurs à gages. Donc, il y en a un qui est joué par Colin Farrell et l'autre par Brendan Gleeson. Mm-hmm. Ils sont vraiment très différents, on va dire, comme personnages, on pourra développer plus tard. Bah, au bout de 30 minutes, je pense qu'on peut encore spoiler, y a le patron des deux qui appelle Brandon Gleeson et qui lui dit de tuer son collègue, en gros. Puis voilà, je vais pas aller plus loin dans le scénario, parce qu'après ça commence à être du spoil. Et donc, ça va être de bons rebondissements en rebondissements. Les choses vont un peu pas forcément se passer comme chacun le prévoyait. Et on va voir un peu leur déambulation dans la ville, il va y avoir différents dialogues un peu savoureux, et puis l'histoire va avancer, et en gros c'est un mix un peu, on va dire, dramatique, parce qu'il y a du ragage, on va dire qu'il y a des morts dans le film, parce que c'est du ragage, il y en a déjà même au début du film, mais il y a quand même un côté comédie, on va dire un peu comique, soit dans les dialogues ou dans certaines scènes, pour résumer pour une première résumé du film sans trop aller dans le détail. Et tu l'as découvert comment? Je l'ai vu, je pense, quasiment à sa sortie ou pas longtemps après, parce que je me souviens l'avoir vu il y a très très longtemps. Je pense que c'était à l'époque où je regardais énormément de films quand j'étais étudiant ou quand je venais de commencer à bosser, à mon avis, et que j'avais dû essayer de me faire un peu tous les bons films qui sortaient, que ce soit de manière légale ou pas légale. Je le vois à cette époque-là, ce film, j'en avais un super bon souvenir. Alors je t'avoue que j'avais même oublié le petit truc en plus. Finalement, c'est vraiment en recherchant un peu dans tous les films, en faisant des recherches approfondies, que je me suis rappelé que ah mais si, c'est vrai que voilà, il y avait ce nain dans ce film-là, mais la scène de fin, typiquement, je me rappelais plus. Voilà, je me souvenais, je pense, de pas mal des blagues avant, des sketchs, des scènes un peu drôles, comiques du film d'avant, mais j'ai toujours autant rigolé à les revoir. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Et toi, Arnaud, est-ce que tu avais déjà vu ce film et un premier petit avis? Oui, je l'avais vu au moment de sa sortie au cinéma et je m'en souvenais quasiment plus de ce film. Je me souvenais de beaucoup de dialogues, je me souvenais d'un second degré, mais je l'ai plus apprécié la deuxième fois que je l'ai vu que la première fois. Et voilà, c'était une bonne des bonnes retrouvailles. Au début quand tu as fait ce choix là, je me suis dit je l'avais vu, et en fait c'est ça, quand un film nous a pas trop marqué ou pas plus que ça, ou on est passé peut-être à côté, quand on sait qu'on doit le revoir, c'est toujours ça peut être une épreuve, et en fait non, ça a été plutôt une réhabilitation, donc voilà. D'accord, merci. Je me souviens qu'on en avait parlé, mais il y a très, enfin je pense quand même un film duquel j'ai dû discuter avec Antoine, mais il y a très très très longtemps, quand on venait de se rencontrer peut-être avec Seb aussi, je pense ce film on en a parlé il y a très très très longtemps. Je pense qu'en plus, dans mes souvenirs, il me semble qu'on était tous d'accord pour dire qu'il était plutôt bon, ce film. En tout cas, du peu que j'en ai parlé. J'ai souvenir qu'Antoine le vendait énormément, ce film. Plutôt bien amené. Alors vas-y, Antoine, dis-nous en deux mots. Moi, c'est un film des premières fois, celui-là. Enfin, il n'y en a pas beaucoup. Je l'ai vu au cinéma. On ne se connaissait pas à l'époque, parce que j'étais allé le voir avec un copain qui était du genre à m'emmener dans tous les films un peu... je vais pas dire borderline parce qu'il est pas borderline, mais c'est vrai qu'avec un titre comme ça, ça fait on a un peu l'impression de flirter le nanar, en fait, hein, avec une référence au film de James Bond. C'est un film qui m'a permis de découvrir le réalisateur. Alors même si étrangement j'ai pas spécialement envie de voir ses autres films, enfin j'ai vu c'est quoi, 3 million billboards là. Ce serait Billboard, c'est Seb qui l'avait mis, ce film qu'il avait choisi. C'était ouais, Seb, moi, ouais, c'était ouais, Seb. Moi. Je me souviens à l'époque, t'avais beaucoup aimé. Ah, j'avais adoré ce film. Ouais. Et puis j'ai vu qu'il a ressorti un film il y a pas longtemps encore avec les deux mêmes acteurs. Avec Colin Farrell et Brandon Gleeson, les deux. Ouais, c'est ça. Et moi, par exemple, c'est Ralph Fiennes, je l'ai découvert à travers ce film. Colin Farrell, il avait à l'époque une sale réputation. Enfin bon, j'évitais de regarder ses films. Ça m'attirait pas, en fait. Et en fait, à travers ce film-là, c'est le film qui m'a permis de voir ces autres films, en fait, et de les apprécier. Et puis, c'est surtout La Ville de Bruges, en fait, parce que, alors même si en revoyant le film, je me rends compte qu'on la voit pas tant que ça, la ville. Enfin, on voit surtout la même place. Non, mais. Et toi, c'est. Par exemple, c'est le film. Quelques plans avec la rivière, quand même. Quelques plans, mais si tu veux, moi, c'est le film. J'ai envie d'y aller, quand même. Ouais, quand j'ai envie d'y aller. Mais quand j'ai rencontré Sylvia, je dis, ouais, il faut qu'on y aille. Et on y a passé un week-end. Ça a l'air joli comme ville. Moi, je connais pas, mais le film, je trouve, te donne envie. Ouais, non, c'est super joli. Ça a pas l'air la grande ville. Non, mais c'est là aussi où ça marche, en fait. C'est que souvent, tu sais, dans les films, ils se croisent. Moi, je trouve ça toujours un peu bizarre. Tu sais, ils habitent à New York et ils arrivent à se recroiser dans une rue. Tu te dis, mais la ville, elle est énorme. Alors que Bruges, c'est tout petit, le centre-ville de Bruges. Donc, quand ils tombent par hasard l'un sur l'autre, c'est possible. Tu vois. Mais justement, ils se croisent sans se voir, en plus, sur la place de Bruges. C'est ça qui est bien aussi. On les voit plusieurs fois se croiser, on les voit les autres au fond, mais ils se voient pas. Donc, tu l'as revu et je crois que ça doit faire la troisième fois que je le voyais. Et c'est vrai, d'accord, comme Pierre, comme bien Pierre, connaître les rues maintenant. J'avais oublié la fin, en fait. Il me restait que des dialogues fucking brutes, ouais. Enfin, que les dialogues, ouais, du début. Il tient super bien. J'ai juste un petit point qui, c'est, on dit le facteur d'incrédulité. Bon, bah, il faut accepter ça, sinon le film tout de suite il devient un petit peu plus bancal. Voilà. D'accord. Ok, bon, on y reviendra tout à l'heure si tu veux. Sylvia, tu connaissais ce film, oui, déjà ? Je l'avais déjà vu. J'avais pas trop aimé. Je l'ai revu et j'ai toujours pas trop aimé. Ok, bah c'est bien, ça va faire du contraste je pense... dans cette soirée. En deux mots, pourquoi ? Dans pas trop aimé, il y a aimé quand même. Mais il n'y a pas trop aussi. Je pense que mon plus gros problème du film, c'est... Alors d'abord, globalement, je m'ennuie quand même un peu. Hein. Et je pense que j'accroche pas du tout avec le personnage de Colin Farrell auquel je crois absolument pas. Parce que en discutant un peu avant le podcast, je me rends compte que les scènes que j'ai plutôt bien aimées, c'est celles où il n'est pas. Donc j'en déduis que c'est essentiellement lui mon... Enfin, en tout cas, c'est un des problèmes pour moi dans le film, c'est son personnage à lui. D'accord. Oui. Ouais. Et okay, toi, Seb, alors ? Et moi, je l'avais déjà vu il y a deux mois. Non, ça, en fait, c'est un film, il était dans ma liste à regarder depuis des années, parce qu'Antoine, je me souviens que t'en parlais, je me suis dit, faudra que je le voie, et puis bon, j'avais pas l'occasion. Et j'avais adoré Three Billboards, et j'ai beaucoup aimé son dernier, là, Banshee, truc en Irlande. Et là, je me suis dit, putain, ça fait deux films que j'adore de lui, il faut que j'en voie un. Et il se trouve qu'un autre pote, enfin, tu le connais, Antoine, Manu, là, il l'a acheté en DVD, ouais. Et il me dit, ah bah je l'ai, je te le passe et tout. Donc il y a deux mois, j'ai dit, ouais, avec plaisir, et j'ai regardé. Et j'ai trouvé ça encore mieux que celui que j'avais beaucoup aimé de les Banshee de je sais plus quoi là. Mais alors de retrouver les deux dans cette espèce de film où en fait je sais pas les classer parce que c'est pas drôle mais tu rigoles. Ça arrive presque à être émouvant mais en même temps tu pleures pas. Et il y a un faux rythme mais je m'ennuie pas. En fait j'ai du mal à caractériser ce film. Moi je dirais c'est un peu des comédies existentialistes. Ouais, mais du coup, si tu dis à quelqu'un « Regarde ce film, tu vas te marrer », je pense que c'est le moins bon service que tu peux rendre au film. Et inversement, quand tu le regardes, tu te marres. Bah, tu vois, et tu te marres, mais tu sais même pas forcément pourquoi tu te marres. Parce que... Je pense que l'argument premier qu'il faut donner, c'est si t'aimes des dialogues, si t'aimes les bons dialogues, exactement, il faut le regarder. Ouais. Parce que c'est ça qui... C'est ça. Pour moi, ça. C'est ça qui fait tout, en fait. Hein, c'est du Tarantino. Je trouve des fois, il y avait un peu absurde au Pulp Fiction de Tarantino. En moins actif. Oui, en moins actif. Ouais. Non, c'est pas un film d'action, il y a trois coups de feu qui sont donnés. Bah, Tarantino, c'est pareil, hein, t'as le même faux rythme hein, sur beaucoup de ses films. Hein, donc. Moi, je suis pas un grand fan de Tarantino, le seul que j'aime, c'est Pulp Fiction. Donc, j'avais l'impression de voir du Pulp Fiction. Puis aussi, ouais, la musique en moins, parce qu'il y a quand même pas beaucoup de musique dans ce film. Hein, alors, je suis pas d'accord, moi j'ai adoré la musique. Je dis pas qu'elle est pas bien, je dis qu'il y en a quand même moins. Que dans Pulp Fiction. Mais là, elle est géniale dans celui-là, la musique. Elle est douce, il y a une espèce de mélancolie, et en même temps, elle colle à l'action à un moment quand ils se poursuivent dans la cathédrale, là. Non, il y a deux, trois thèmes musicaux que, franchement, moi, j'avais la musique dans la tête quand je l'avais vu, ah ouais. Et je l'ai revu, là, pour... Et ben en fait, ça m'est revenu, et d'accord. Ça me donne envie de l'écouter, même par ailleurs, quoi. La musique, j'ai vraiment trouvé géniale. Donc voilà, donc bon, moi, c'était pas une découverte, mais malgré tout, je l'ai découvert très récemment. Ok, ceci étant dit... Rentrons un peu dans le cœur du sujet. Alors, peut-être on peut démarrer, parce que Sylvia, du coup, tu n'as pas aimé le personnage de Colin Farrell. Alors moi, perso, je trouve que c'est presque lui qui fait tenir le film. Parce que je trouve qu'il fait vraiment... C'est le mec qui est idiot. Ah bah lui, il a un petit truc en plus, lui. Hein. Ouais, exactement. C'est à lui que je pensais quand... Bah, c'est pour ça que Pierre... Non mais c'est pour ça que il y a un truc. Pour moi, il avait un petit truc en plus. Alors un petit truc en plus. Est-ce que le fait de pas avoir de filtre, c'est un truc en plus ou un truc en moins? Bah, c'est un truc en moins. Non, il a pas con. De filtre, il a. Alors il a un petit. Alors lui, on va dire qu'il a un petit truc en moins. Il a un petit. Il est un peu con quand même. Non, il a pas les mêmes centres d'intérêt que toi et. Attends, dans le film, il est quand même un peu con-con. Ouais. Je veux dire, pour moi, c'est pas il est con-con ou il a un truc en moins ou un truc en plus. C'est pour moi, c'est les caractéristiques d'un bouseux entre guillemets, mais d'un type oui, genre oui, d'un bouseux, oui, d'un bouseux qui se retrouve à tueur à gage, qui vient de je ne sais pas où dans l'Irlande et qu'il en a rien à foutre de Bruges. Enfin, pour moi, le personnage il colle en fait. Il a pas de truc en moins. Je trouve cohérent en fait. Enfin, c'est ça que je n'arrive pas à être d'accord. Dans son attitude quand même. De quoi? Ah, quand à la fin, par exemple, avec Ralph Fiennes, ils se poursuivent dans l'espèce d'hôtel qu'ils doivent avec le flingue. Non, mais attends, je suis désolé, il est complètement. Je saute à gauche ou à droite? Mais à droite, t'es rentré dans l'hôtel, tu l'as vu la rivière? Mais c'est qu'ils sont, désolé, ils ont, les dialogues, sont, il est complètement bah oui, mais con. Ils sont un peu débiles, mais c'est pas un truc en plus ou un truc en moins. Enfin, je trouve d'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être une espèce de alors, code entre guillemets entre les tueurs à gages, mais je pense qu'il est clairement exagéré. Après, le fait qu'il soit en effet pas fut-fut, bah, je pense pas que ce soit un truc en plus ou un truc en moins. Enfin, des personnages sans pas fut-fut, il y en a plein. Sans spoiler, à la fin, il allait donner un élément clé. Il est con quand même. Alors qu'il, enfin bon, ça, je veux pas spoiler, mais à la fin, il est prêt à révéler un truc. Oui, effectivement. Je peux pas spoiler, mais bah, Pierre, tu dois comprendre ce que je veux dire. Oui, mais je vois. C'est quoi, c'est... Il est sauvé par un signe du signe du destin à la fin, et il est presque prêt à le révéler, alors que c'est un hasard qui fait bien les choses pour lui. Mais qui fait bien les choses, mais je pense que en fait, ils sont tous un peu au-delà de ça, dans le sens où c'est leur espèce de code d'honneur entre guillemets, encore une fois, code d'honneur entre guillemets de tueur à gages. Enfin, ils sont, ah, pour moi, c'est ils juste sont honnêtes con. Quoi. Enfin, moi, ça me choque pas dans le sens. Alors sur ce coup-là, je trouve pas qu'ils soient débiles. Autant sur d'autres scènes, en effet, il passe pour un débile, mais sur celle-là, je non, mais pas, même quoi. Avec l'obsession qu'il a sur les nains. Les dialogues quand ils prennent de la drogue. Ouais. Mais ils prennent de la drogue, quoi. C'est quand ça. Il dit aux nains, mais tu t'es pas suicidé ou mais non, je pense que tu croises un type comme ça. Attends, tu croises un type comme ça dans la vraie vie, tu te dis, mais il est con ce type, c'est pas possible. Ouais, enfin, il est con. Ils sont tous les trois drogués à ce moment-là. Enfin, justement, c'est ça qui est drôle dans le dialogue. C'est ce côté, alors, non, ce côté non, drogué. Quoi. L'autre, il est pas. Brendan Gleeson, lui, il est pas. Il est, lui, il est. C'est lui, le... il est émouvant. Lui, il a presque le côté émouvant. Ouais, mais sur la scène où il se drogue, il raconte des conneries aussi. Parce qu'il se drogue aussi. Oui, oui mais parce oui, qu'il mais se drogue. Sur le oui, reste mais du film, il est posé, entre tu vois. Normal. Enfin, dans il veut regarder, là, il veut visiter la ville. Il est un peu sage. Et de l'autre côté du spectre, t'as Ralph Fiennes qui est aussi bien déglingué dans sa tête, lui. Oui, mais alors déglingué dans un autre style. Pour moi, oui. C'est un taré, mais c'est pas il est con. C'est pas un psychopathe. Plus mais... psychopathe. Ouais. Oui, on serait plus dans ce cadre-là, ouais. Ouais, c'est un sociopathe. Ouais, un sociopathe. Mais du coup, en fait, c'est ça que j'adore, parce que le film, il y a 3-4 persos, au final. Il y a le français. Il est français ou belge, Jérémy Régnier, là. Ah, je sais ouais, plus s'il est français ou belge. Ouais, c'est vrai. Il y a Clémence Poésie, qui est d'ailleurs très, très mignonne. Dans d'ailleurs, ce film. C'était la première fois que je la voyais aussi, elle, au cinéma. Moi, je l'avais vu dans Harry Potter avant, mais ouais, en tout cas, je trouve qu'elle joue bien. En fait, je veux dire, t'as 5 persos, ils ont tous leur personnalité, et c'est plein de quiproquos, en fait. Moi, c'est ça que j'adore, c'est que le début jusqu'à la fin du film, notamment, il y a une scène dans un parc à un moment qui est le tournant du film. Ah oui, elle est excellente, justement. Cette scène aussi. Et putain, c'est génial, quoi. Et puis, elle est absolument pas prévisible, on s'y attend pas du tout. Ouais, tu t'attends à que ça se passe comme ça ? Un petit peu, quand même. Non, mais c'était... Oui, quand même. Un homme seul qui a tué un enfant, qui regarde des enfants dans un parc. Soit il tue les enfants, soit il se tire une balle. Mais non, je pense pas. Non, je pense qu'il est juste là pour essayer de se entre guillemets de retrouver un sens à sa vie. Peut-être cinq va se suicider à ce moment-là. Enfin. Il a donné son dernier argent. Ouais. Et il fait une bonne action. Ouais. Un petit peu amené, mais effectivement. Non, mais maintenant que tu le dis, effectivement. Mais moi, quand j'ai vu le film, j'étais tellement dedans que je cherchais pas à analyser ce qui allait arriver en fait. Ah non, moi j'ai pas analysé, je me suis mis à la place du personnage en fait de Colin Farrell. Bah, je trouve cohérent le personnage pour ça. Oui, là-dessus. Il nous fait comprendre que c'est son premier contrat finalement et que. Alors ça oui, se passe très mal. Je suis d'accord et pas d'accord, c'est qu'il arrive là parce qu'en fait il s'ennuie dans cette ville et que quand même la fille dont il est tombé amoureux, ça a loupé parce que la veille il est pas du tout prêt à être dans ce mode-là. Hein, donc, si... Non, mais tu sens, je trouve, dans le film quand même qu'il est. Qu'il n'arrive pas à passer la boulette qu'il a fait et que. Non, il est pas. Pour moi, il est pas simplé, il est simple, c'est pas pareil. Oh, il est un peu simplé quand même. Il est simple. Et justement. Quand il est au resto là qui frappe. C'est ouais, ça. C'est ça. Il lui manque une casse quand même. Bah oui, mais c'est quand même un le gars, c'est un tueur à gages, je pense qu'il est un peu formaté comme ça. Enfin, c'est. Non, c'est un apprenti tueur à gages. Bon, il a déjà quelques années d'expérience quand même. Enfin, il est pas non plus. Non, mais non, non, dans le film. Attends. Dans le film, il explique. Attendez. C'est pas. Je pense pas que ce soit son premier contrat. Pas tout généralement, en même les temps. Truands sont toujours un pas peu classe, un peu intelligent, un peu lui. Il est pas de justement, plafond. Justement, enfin, ça oui. J'ai pas d'exemple. Ça casse les codes. Ouais, j'ai pas d'exemple de tueur qui soit simplé comme lui en fait. Enfin. Ouais, moi je trouve. Alors moi, dans le film, alors je sais pas, mais je l'ai vu il y a un quart d'heure, mais enfin il y a 20 minutes peut-être. Et il me semble qu'il dit que même, voilà, que c'est son premier contrat machin et que c'est la première fois qu'il le fait et que même ça il l'a pas bien fait, comme si il était un peu en mode loose quoi, tu vois. Oui, et, oui, non, je suis d'accord en plus avec il se retrouve Arnaud. À Bruges. Il disait que c'est je premier me rappelle de ça dans le film. J'ai pas souvenir que c'est son premier contrat. Moi non plus, j'ai pas et alors c'est son pour ça. Contrat, hein. Plus c'est la première fois qu'il tue quelqu'un et en plus, enfin, qui fait avec un dommage collatéral Et c'est pour ça que ça le rend encore plus émouvant, parce qu'il n'est pas, parce que il est comment dire, il est simplé, il est bête, on peut dire ce que qu'on veut, mais finalement il est plus humain que la. Dans son collègue, il moi, est humain. Moi, tu vois, je trouve qu'il est pas du tout émouvant, et je pense que ça fait partie de ça de mon problème, c'est que j'ai aucune accroche avec ce personnage. L'autre, oui, alors que c'est un tueur à gages qu'il a probablement tué bien plus de monde, il a un côté plus émouvant, le plus ancien. Oui. Je suis d'accord. Colin Farrell, il peut paraître antipathique, bête et simplet, mais en même temps, il est vrai dans sa connerie et dans tout ça. Et quelque part, il est assez entier. Enfin, c'est même pas que je l'analyse, mais c'est pas que tu fais vite le tour, mais le gars, il est comme il est et il est comme ça. Et t'auras pas de. Il est moins complexe. Et du fait qu'il soit moins complexe, ça le rend, moi, je trouve que ça le rend plus attachant, parce qu'il va être prévisible dans ce qu'il va faire. Il pourrait pas tuer son collègue, alors que l'autre. Bah, l'autre, il n'y arrive pas. Hein. Il le sauve. Mais... D'ailleurs, ça donne un dialogue surréaliste entre Ralphine et l'autre, en disant mais putain, non seulement t'as pas fait, mais en plus tu l'as empêché. Il n'y arrive pas parce qu'il va se suicider, et du coup, il est stoppé dans son élan, mais sinon, il allait vraiment non, le faire. C'est gentil, à la fin, il est prêt à sacrifier pour son pote. Non, moi, je pense qu'il l'aurait pas fait. Ah, mais si, je pense qu'il l'aurait fait. Il a dit, bon, bah, on y va, ça le faisait chier, mais il l'aurait fait. Il l'a fait parce que c'était dans leur code d'honneur, quoi. Non, moi, je pense que les deux sont des gens... Ça fait une interaction. Donc, du coup, comme il y a une espèce un truc cognitif qui se passe, là, il stoppe son action et puis ça le bloque dans son action. Mais j'aimerais revenir à Sylvia, parce que finalement, on va être quand même beaucoup d'accord. Donc, sauf Sylvia, donc moi, je suis curieux. C'est toujours intéressant d'avoir le point de vue. Tous les dialogues... Alors, déjà, vous l'avez vu en VO, en VF, non? Parce que je sais pas j'ai ce que ça donne en VF. Essentiellement en VF. J'ai vu le tout début D'accord. en VO et puis j'ai basculé sur la VF. Après, je sais pas, il est peut-être bien doublé parce que moi en je l'ai VF, vu on en... peut pas s'attacher à la personne. C'est vrai, tu as raison. Je l'ai vu en VO, non mais ils ont des accents à la con en plus. C'est le fucking, il revient. Je sais pas par quoi ils traduisent en français, mais à un moment t'as un nombre de fucking toutes les 48 secondes, hein, je crois un truc comme ça. T'en as plus de 140 des fucking quelque chose. Et du coup, ça donne une musicalité. Et du coup, toi, ces dialogues. T'ont pas accroché, parce que moi je trouve que c'est ça la force du film, hein, c'est les dialogues. Je suis d'accord avec toi que c'est là-dessus que le film repose, mais justement pour moi il repose presque que là-dessus et ça me suffit pas en fait. J'arrive pas à m'accrocher que aux paroles et aux discours s'il n'y a pas un autre truc qui m'accroche dans le film. Et du coup, en tout cas, les seuls discours où ça m'a accroché un peu, en fait, je pourrais en citer deux, et c'est pas ceux avec Colin Farrell, c'est entre Ralph Fiennes et l'autre quand ils sont au bar et qu'ils traitent de connards et qu'ils traitent ses enfants de connards, où là, ouais, j'ai trouvé ça rigolo. Et après, il y a quand ils sont dans la tour avec le, effectivement, entre guillemets, code d'honneur des tueurs à gages, où là, j'ai trouvé qu'il y avait un côté émouvant et voilà. Et par contre, ouais. Colin Farrell, en fait, c'est presque trop. La scène dans le resto où il va éclater la tête de son voisin, c'est trop prévisible. Et ça, en fait, ça, moi, ça me fait rire à chaque fois. On va dire clairement, moi je trouve ça nul et ça me sort encore plus du truc. Et c'est là où on peut dire qu'il a deux neurones. Je veux dire, tu réfléchis deux secondes, t'es un tueur à gages. Si tu pètes la gueule d'un mec dans un resto, côté discrétion, on n'y est pas trop, quoi. Donc, mais c'est à cause de la fumée. Faut se mettre, Sylvia, mettons en tant que spectateur, le côté cathartique est ce qui te dit. C'est-à-dire que toi, en tant que spectateur, moi, je me suis déjà retrouvé dans des situations où il y avait des gens dans des restos qui faisaient des réflexions cons sur. On l'a tous. Je pense le mec qui parle fort, là, qui est pas content, qui fait sa petite réflexion ou qui parle dans ton dos. Enfin, je sais pas si vous l'avez tous vécu, mais moi, ça m'est déjà arrivé de le vivre. Et t'as envie de te lever, t'as envie de lui mettre une baffe. Mais tu le fais pas. Tu le fais pas. Mais lui, justement, il le fait. Et c'est la force du cinéma. C'est que tu peux voir ce que ça fait. Non, là, c'est l'inverse. Là. C'est celui qui lui dit de se taire, qui s'en prend une de claque. Mmh. Ah, c'est ça, c'est la blonde qui gênait les autres avec la cigarette. Il s'en plaint et il s'en prend une, du coup, en retour. Il s'en prend une, ouais. C'est pas celui qui... Oui, parce qu'il fait une réflexion un peu élevée, quand même. Ouais, mais justement, t'as envie de le mettre, le mec qui fait une réflexion, t'as envie de lui en mettre une. Non, parce qu'ils sont dans une zone fumeur, quand même. C'est un peu un paradoxe, aussi. L'autre qui se plaint, mais dans une zone fumeur. D'abord, dans la vraie vie, tu le fais pas. Et puis, moi, je trouve que c'est pas crédible, en fait. J'ai besoin d'un peu de... Le film est pas crédible, ça, c'est sûr. Ah, c'est d'accord. Plein de trucs, hein. Et bah ouais, mais moi, c'est le genre de truc où ça me sort complètement. Enfin, je trouve ça débile, quoi. Et au bout d'un moment, quand c'est trop débile pour moi, Sylvia, là où je te rejoins, c'est qu'il y a une grosse erreur dans le film. C'est quand il bute le prêtre. Et ben, le gamin, il est perpendiculaire et pourtant, il a une balle dans le front. Et c'est pas logique. Quand il tire, en fait, le gamin, il devrait l'avoir pris dans le côté. Il est tombé, et c'est en tombant qu'il s'est mis. Non, si tu regardes la scène, c'est pas possible ce qui arrive. Le gamin, il peut pas avoir pris la. Il est pas perpendiculaire et il lit son truc où il dit qu'il est pas bon en maths, qu'il est je sais plus quoi là. Et en fait, c'est moi ça me sort du film genre de truc maintenant. Pour en revenir en VO ou en VF, moi j'ai commencé à le regarder en VF et puis tout de suite, très vite, je l'ai mis en VO. Et je trouve que. Alors, c'est le petit truc en plus, la VO aussi, tu vois. L'accent écossais. La culture, vois, qui n'est pas ouais. évident et à comprendre. Irlandais. En tout cas, voilà, je l'entends, cet accent. Et c'est vrai que les films de gangsters, enfin moi j'ai une culture film de gangsters très américaine en fait, donc qui est régie par des codes. Pourtant il y a souvent des Italiens et des Irlandais dans les films de gangsters. Oui, mais ça reste des Américains. Oui, mais ça reste des Américains. Enfin je veux dire ils sont d'origine, tu vois. Alors que là eux ils sont c'est des Européens. Enfin tu vois des Anglais, c'est un Irlandais qui vit à Londres. Donc je trouve qu'ils ont un, ça amène un petit truc en fait. Alors c'est pas ce qui fait que le film bascule dans le chef-d'œuvre, mais t'as ce petit côté, c'est pas les codes américains. D'ailleurs, au final, on sait très peu sur ces gens-là, parce qu'ils sont trois. On sait qu'il y a un chef et puis qu'il y a ces deux-là, en fait. Mais après, on sait pas quelle branche, on sait pas ce que c'est comme type de mafia. Enfin, on sait rien du tout. Et c'est ça qui est bien aussi. C'est que... Colin Farrell, on comprend qu'il vient de Dublin, qu'il vient d'un milieu paupérisé. Enfin, on le sent bien. Ça, et l'accent apporte ça, parce qu'il est pas... Enfin, il voit pas l'intérêt de la culture, il voit pas l'intérêt de. Enfin, bah, il le dit même, hein, lui, que ce qu'il veut, c'est boire des bières à Dublin, il s'en fout des tabous. Et puis en même temps, excuse-moi, mais l'autre, ce qu'il lui montre, c'est des églises et des peintures de je sais pas quel siècle. C'est trop marrant cette scène-là. Pas fasciné non plus, quoi. Oui, mais avec ça a l'air chiant. Avec voilà. Une fiole où il y aurait le sang de Jésus dans la fiole, excuse-moi, mais c'est quand même pareil. Le coup dans la scène où il veut aller boire un coup au pub, et Brandon Glazer, là, il lui dit non, attends, on doit recevoir un coup de fil. Puis il comprend qu'il va pas sortir. Puis tu vois qu'il réfléchit. Tu vois qu'il réfléchit. Puis il dit oh, mais t'imagines comme ces pierres illuminées, la nuit serait jolie à regarder. Vas-y, ferme son bouquin, il part. Excellente cette scène aussi. Ouais, il a un côté vraiment. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est dis, que c'est. Là, c'est... il a joue un enfant. Connecté ses neurones. Oui. Comme quoi, il n'est pas si bête. Non, il mais alors. Pas si bête. Alors là, quand vous parlez de. Quand vous dites. Enfin, tu utilises le mot simplet, tu utilises le neurone et tout. Et en fait, je trouve qu'il a une naïveté dans son personnage. Et effectivement, il y a une candeur. Et moi, je trouve ce qui est beau dans son rôle, c'est qu'il le tient tout le long du film. Mais il a une candeur, mais en même temps, il a l'intelligence des enfants. Enfin, il est pas si bête que ça, parce que il se sort de toutes les situations. Finalement, il se sort du truc. Non, mais les gamins, fois. Ils sont pas bêtes. Hein. Non, mais ouais. Voilà. On n'a pas dit qu'il était simplet. Ah, si vous avez dit qu'il était bête, si. Non, un simplet, c'est pas pareil. Alors, c'est quoi un simplet pour toi? Tu dis que pas de neurones, ça me plaît. Pour moi, c'est quelqu'un. Une case. Il est barge. Oui. Moi, je mais dirais ça veut pas dire est, bête. C'est pas bête, il est barge. Moi, je dis qu'il est barge. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec la définition d'Arnaud. Ah, la scène dans l'hôtel à la fin, excuse-moi, s'il est normalement câblé, elle c'est est deux, pas comme moi, je ça, vois deux enfants avec des pistolets. Mais si pas en plastique, il est normalement câblé, il y aurait plein de trucs qui ne seraient pas passés comme ça. Enfin, le fait qu'il y a des types qui se baladent avec un flingue et des coups de feu qui tirer dans la ville et qu'il n'y a pas des flics qui viennent boucler tout le quartier, ouais, au bout d'un moment il y a un problème quoi en fait. Donc il n'y a personne qui réagit. Personne qui réagit, les mecs ils ont toute la soirée pour faire ce qu'ils veulent, il n'y a pas de flics dans la rue qui viennent s'interposer ou mettre des barrières. Ouais, c'est ou mettre Noël, un c'est le moment de Noël, quoi, il y a, ouais, mais y a un moins d'effectifs. Il y a un Noël. Film qui est tourné, une pièce de théâtre. Bref, ouais, enfin bon, ça n'explique pas les coups de feu et tout quoi, je pense. Donc, il est ensanglanté, il traverse le plateau, il n'y a personne qui dit rien. Ouais, mais tu vois, il joue très bien son personnage. Dans le truc d'incrédulité, moi je peux me dire, il traverse un plateau de cinéma. Tu peux penser, si tu connais pas le film, ouais. qu'il y a un truc avec un mec en sang au milieu, tu vois. Mais la moitié du crâne en moins, peut-être moins, quoi. Ouais, bon, là, effectivement. Hey, il est super, son maquillage, à lui. Hein. Ce que je disais en introduction, là, un truc qui m'a un peu fait tilter, c'est quand il reprend le train pour partir et qu'il se fait arrêter par la police, en fait. Je trouve que c'est une des scènes les moins réussies, d'ailleurs, ouais. du film. Parce qu'en fait, le gars l'a retrouvé, le gars qui s'est fait tabasser au restaurant. Ouais, tu sais pas d'où il sort. Et puis, elle est pas très réussie, cette scène. Voilà, moi, trouve. C'est un truc, c'est ce que je disais, il faut l'accepter, parce que sinon, le film, enfin, la suite, elle marche plus. Je suis d'accord, en fait. Mais c'est vraiment le prétexte pour le ramener. T'as l'impression que là, pour le coup, il savait ils pas comment le ramener à Bruges. Comme prétexte, quoi. Je suis d'accord, c'est un des points faibles. Ils auraient pu... En fait, vu qu'il est attiré par Clémence Poésie, ils auraient pu trouver un oui. truc un peu plus. Mais ça aurait fait nier, en fait, un truc autour d'elle. Ah, faut que je revienne pour elle, ça aurait fait trop ouais, mélo. Mais là, trop ça nier, fait quoi. Vraiment. En fait, là, je pense que ça aurait été pire. Resto... La scène où c'est genre, si c'était non, faut que je retourne pour aller la chercher, ça aurait été pire, en fait. Et ça aurait pas raccroché avec le personnage. Alors non, mais je là, pars pas il pour accepte aller très chercher. Facilement de monter dans le train. Hein. Tu pourrais imaginer qu'elle l'appelle juste pour coucher et qu'ils disent ah, si j'y vais parce que voilà. Enfin, il est capable, je pense, vu son personnage, il est capable de faire ça. Bah là, ça fait faux, cette scène. Tu te demandes d'où après, elle sort. Après, c'est comme le personnage de Jérémy Régnier, je trouve que c'est le moins... Mais si, le mec moins avec Ralph Fiennes qui se fout de sa gueule en disant... Le dialogue avec les deux, il est trop bien, justement, là, quand il va récupérer avec... l'arme, et le dialogue entre les deux, il est bien. Il dit, mais t'agresses un mec avec des balles à blanc. Oui. C'est con, quoi. Oui, non, mais je suis d'accord, cette scène, elle est excellente, mais je sais pas, je trouve que le personnage, je sais pas, je suis pas fan de ces scènes en fait. Quand c'est moi, juste un loser de service quoi. C'est Si, parce que c'est un vrai loser. Le mec, il arrive à perdre un œil pratiquement avec un flingue, avec des balles à blanc. C'est génial. C'est un monde de losers. C'est tous des bouts. Il n'y a que la. Clémence Poésie finalement, qui est pas tant. Ouais, elle est épargnée, on va dire. Elle est un peu. Mais les autres, c'est que des boulets au final. Pour moi, c'est pas des losers, c'est des survivants quoi. C'est comme lui, Régnier, c'est un boulet. Lui, c'est un boulet pour le coup. Attends, c'est un gros boulet. Et tu vois, il est pas fut-fut. Je pense pas qu'il soit stupide, mais c'est un gros boulet, vraiment. Et t'as des scènes rigolotes comme ça dans celui que t'as vu, là, où on les retrouve, les deux acteurs? Alors, c'est plus dramatique que ça, mais il y a des moments, en fait, c'est deux qui... C'est un peu du film de posture, mais bon. Avec le chien, si, c'est marrant. Parce qu'en fait, ça part d'un truc triste, hein, d'un animal qui meurt, et les deux qui se font des crasses... Ça parle d'une amitié, amitié qui finit, mais il y a quelqu'un qui s'accroche à cette amitié. C'est des gros simplés, quoi, quand même, dedans aussi. Et franchement, moi, j'ai retrouvé l'esprit de ce film-là. Alors, quand même, en moins bien. Je préfère celui de Bruges, là. Si Sylvia, t'as pas aimé celui-là, alors je te déconseille vraiment l'autre. Il a des grosses longueurs, l'autre film. Pour le coup, il a plus de grosses longueurs. Mais il y a des dialogues, les deux, c'est savoureux. Ils se retrouvent à un endroit, un espèce de pub de mémoire. Parce que t'as la guerre en face, hein. C'est pendant la, je sais plus quelle guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, mais du coup, ils sont perdus, isolés sur cette île. Il y a la sœur de lui qui a fait des études, mais lui, ils sont cons, quoi. Et c'est le même genre de dialogue. Et il y en a un, il veut être le pote de l'autre, l'autre veut plus. Non, il est déjà le pote, mais... Oui, mais il se passe un truc, voilà. Qui font qu'ils peuvent plus être potes, et il y en a un qui s'accroche quand même. Et ils se mettent à se pourrir les deux... Et c'est franchement, il y a des dialogues savoureux, c'est tu pareil. Parles, tu parles pas du fait, en fait, le vrai truc du film qui est, où le réalisateur il joue un peu trop là-dessus, c'est qu'il dit ne reviens pas, sinon je me coupe un doigt. Oui. Voilà, ça fait des ne reviens pas, sinon je me coupe un deuxième doigt. La personne qui se coupe des doigts, c'est quelqu'un qui adore la musique et qui joue de la guitare quand même. Et qui c'est sa grande passion. Non, sur il ce est truc. Absurde le film, mais c'est voilà. Ça. Et faut le regarder, donc c'est après pareil. Il se coupe un deuxième doigt, un troisième doigt. Enfin moi je vous passe les détails et ça va très très loin et c'est un peu les limites. Ah ça va loin à la fin. Finalement, je trouvais que celui-ci peut-être avait moins d'ambition mais était plus. Il est plus court. Ouais c'est pas. 1h40. Je crois que long, Bruges, moi un côté à Bruges que j'aimais bien, c'est que ça avait un peu théâtre. Hein. Il y a oui. Souvent oui, deux oui, ou trois acteurs à l'écran. Genre, ils sont à Bruges, mais ils pourraient être sur une scène de théâtre avec une chaise. Il n'y a pas beaucoup de lieux différents, au final. Tu as deux, trois plans avec la rivière, tu es devant cette cathédrale et la place, quoi. Et puis l'hôtel à l'intérieur. Oui, ce qui est très fort, c'est ce que tu disais au début, Pierre, c'est que finalement... attends, tu parlais au bout de 30 minutes, là, quand il y a le coup de fil. C'est-à-dire que le film s'installe tranquille, ils sont dans l'attente, nous, on attend, on sent... Enfin, quand on attend, des fois, on peut s'ennuyer ou dire des ouais. trucs un peu... Et c'est là qu'on connaît un peu mieux les personnages, tu vois. On s'aperçoit qu'il y en a un qui peut ne rien faire ou qui va être touriste. Et puis l'autre, qui, quand il s'ennuie, il va au pub. Et déjà, ça montre bien un peu... Il y en a un qui est plus érudit, l'autre qui l'est moins. Ils sont dans une ville... Ça pose un peu les personnages. Puis on est comme eux, en fait. On a un petit peu... Après, on se dit... d'accord, le film est... En fait, le film est très, très lisible et d'une grande prévisibilité. Mais c'est pas... Bah, en fait, on s'en fout un petit peu, c'est pas ça. Mais malgré tout, ce qui est fort, c'est qu'on arrive à s'attacher aux personnages tout doucement parce qu'on prend le temps avec eux, même on prend le temps de s'ennuyer avec eux. Et alors, au début, ça paraît un peu bizarre. Et puis finalement, on a envie de... Dans leur ennui, dans leur truc, dans leurs histoires, on les suit un petit peu. Et enfin, on s'attache quand même. Enfin, qu'il est simplé, qu'il est machin, je trouve que... Ils sont là dans un endroit qu'ils connaissent pas, ils savent même pas pourquoi ils sont là, et on est un peu dans la même situation qu'eux. On est dans le film au début, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on est là, et ça passe bien, je trouve. Et c'est là que je suis d'accord avec toi, Antoine, un peu théâtre, parce que le rôle de Ralph Fiennes, je trouve qu'il est bien parce qu'il arrive au deuxième acte finalement, ouais, et il redynamise film, tout le truc. En fait, ça fait penser genre la première scène de théâtre où tu vas avoir moi, deux ou trois persos. Pour moi, c'est même pas qu'il redynamise tout court. Mais... Ouais, non, parce que t'as quand même des dialogues un peu savoureux, des scènes savoureuses, mais lui il arrive et tu sais c'est vraiment le début de la deuxième scène où ils t'ont changé le décor dans le théâtre où tu sais t'as leur... et je trouve que tac et t'as un nouveau perso en plus et ce perso il est bien utilisé, c'est-à-dire qu'en fait il le gâche pas dans le premier temps. Ralphine au début tu l'as pas, c'est qu'une voix au téléphone. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où il arrive, ça donne un vrai plus tout au à fait, film. Ouais, ça redynamise l'intrigue. On sent que c'est quelqu'un qui est vraiment pas gentil, pas aimable, parce que... Que tu parles à sa femme, ouais. Là. Non, mais en même temps, il a son code d'honneur aussi, parce que ça va tourner autour de ça. Il dit, mais après ce qu'il a fait, je me bute, quoi. En fait, c'est un film que je trouve intelligent, quoi. J'irai pas jusque-là. En fait, je veux dire qu'il y a le réalisateur, il sait qu'il a des très très bons acteurs, et donc... il peut leur laisser de la marge et les mettre. Ils occupent beaucoup d'espace. Parce qu'effectivement, la seule scène d'action. Je pense qu'il y a de l'impro. Je pense pas qu'il y ait tant d'impro que ça. Ouais. On les voit courir à un moment, ils sont sur une musique un peu rock, un peu hard rock même. Et c'est vrai que c'est la seule scène d'action. Il n'y a pas d'action, mais c'est dans le fait qu'il n'y ait pas d'action et que l'action peut arriver ou pas. On est un peu dans une attente. C'est un peu en attendant Godot. En attendant Godot à Bruges. Non, mais l'action, on s'en fout. Non, moi je m'en fous pas de l'action. Je pense que ça a manqué. C'est les dialogues dans l'hôtel. Ce qui est sympa, c'est pas qu'ils se courent après. C'est les dialogues où il y en a. C'est ça qui. Non, mais moi je peux comprendre très bien le point de vue que Sylvia. L'action, je pense que pour Sylvia, il y avait pas assez d'action. Et il y a un moment aussi. Moi j'ai fait le postulat de me dire bon, c'est un film, il y a pas d'action. Ou à un moment il court. J'étais franchement quand il court et qu'il y a une course poursuite qui est totalement banale et peu crédible presque parce qu'il tire. C'est un tueur à gages machin et l'autre ils sont à 5 mètres. Il n'arrive pas à la voir. Bon, mais malgré tout. J'étais content qu'il y ait cette scène. J'étais content qu'il se passe un truc de... Voilà, ça m'a fait du bien. Alors que j'avais oublié, au début, j'avais fait une croix sur l'action et tout ça. Et j'étais content qu'il n'était pas terrible, cette scène d'action, mais elle était là. Et je peux comprendre que le film, il s'installe et on est un peu... soit on adhère vraiment au personnage et à la situation. On se dit... Tu sais, t'attends un bus qui a du retard ou tu fais un voyage et tu dis, bon, je reste 4 heures, 8 heures à l'aéroport. Tu te fais une raison. Soit tu pètes un câble ou tu rentres pas dedans et ça devient très difficilement supportable. Moi, je me fais une raison à l'aéroport, mais là, ouais. Non. Moi, ça m'a pas choqué qu'il y ait si peu d'action. Ouais, ça m'a pas manqué, en fait. Donc, le film, il est quand même super court. Hein, L'action est verbale. 1h35, ouais. Quoi. 1h35. Ouais, il est rapide. Moi, la première partie, je l'ai trouvée vraiment longue. La deuxième partie, je reconnais, ça passe mieux. Mais la première partie, je l'ai trouvée vraiment longue. La première partie, elle dure même pas une demi-heure. Mais la VF, ça arrange bien, je pense. Le fait d'avoir vu en version française. Le finesse, il arrive au bout d'une heure de film. Tu l'as au téléphone au bout de 40 minutes, je crois. Tout en finesse. Ouais, 30-35 minutes, tu l'as au téléphone. Moi, ça va manquer plus que ça. Alors, il y a eu. Ouais, ça a traîné un tout petit peu, mais de là à dire qu'il y avait 40 minutes ou une demi-heure, pas bien. Enfin. Je pense que c'est vraiment la scène du train qui m'a un moment en ouais, c'est ça, une petite baisse de rythme. Mais sinon, après, je trouve qu'à un moment, ça enchaîne. Enfin, je veux dire, les scènes avec le nain, là, mais elles sont géniales, quoi. La première scène, je crois que c'est la première scène où tu vois Colin Farrell qui est assis, puis qui l'attend, puis qui bougonne dans son coin, là. Puis là, il y a une famille d'Américains, hein, franchement, baisse, qui arrive. Cette scène, elle est grandiose, scène. Parce que, en plus t'as un fusil de Tchekhov pour une heure après, c'est ça qui est trop bien, quoi. C'est génial. Lui dire, mais non, mais vous montrez pas, vous êtes une baleine, et après, il se court après, tu sais, et l'autre... Ah oui, le gros, là. Ouais, le gros au début, mais c'est génial, cette scène. Cette scène, elle est purement... Enfin, alors, OK, elle a même une autre blague derrière. Qui descend et qui les prévient aussi, les Américains, mais montez pas, ça va être compliqué. Du coup, continue de les insulter, ils comprennent pas pourquoi ils sont insultés. Ça, c'est l'une des premières scènes du film, franchement. C'est génial, ça commence là-dessus, c'est génial, le film. Elle te met dans l'ambiance, cette scène. Et après, à la toute fin, quand il y a Ralph Fiennes qui est là, ils veulent montrer au beffroi, là, ils vont pour entrer, et là, t'as le garde, le même garde que t'as vu au début du film, qui leur dit, ah bah non, il est fermé, parce qu'il y a un couple, il y a un Américain qui a fait une crise cardiaque. Il a fait genre, c'est génial, quoi, j'étais mort de rire. Enfin, cette scène est géniale. C'est Brandon Grazon qui veut acheter un ticket pour aller à la tour, tu sais, et puis donc il paye en centimes, il lui manque 10 centimes, tu sais, et le gardien il dit non, c'est 5 euros, il a que 4,90 €, puis vous aimez votre métier, hein, ouais. Oui, puis bon, il se barre parce qu'au final il est pas si méchant que ça, et après il y a la même scène avec Ralph Fiennes. Et tu vois au sourire de Brandon Grazon qui va se faire démonter le gars, et puis ça loupe pas. non, mais c'est, enfin, franchement, ce film, il est, à part la scène du train, mais il n'y a rien acheté. Non, je suis assez d'accord. Très bien. C'est un film de bonhomme, on peut dire aussi, peut-être, plus de mâle. C'est sûr que les rôles féminins, ils prennent pas trop place. Hein. C'est la seule qui est intelligente dans le système. Elle vend de la drogue. Vous parliez d'un personnage, des personnages débiles, pour le coup, c'est la seule qui est qui est un peu différente des autres. C'est la seule qui tient la route, quoi. Non, mais d'accord, mais ça reste très secondaire, quoi. Je veux bien que ce soit un film de bonhomme, mais ça reste... Enfin, on peut pas... Ça le disqualifie pas pour autant, en fait. Enfin, je veux dire, la seule fille qui est là, on la voit pas à poil. Il y a pas de personnage... Enfin, il y a un seul personnage féminin qui est pas forcément exploité à l'avant, donc c'est pas un mauvais personnage féminin, donc ça disqualifie pas le truc. Non, mais c'est très rigolo, parce que je disais juste, c'est un film de bonhomme, mais c'était factuel, hein, il y avait pas de... Parce qu'en fait, c'est trois bonhommes, mais c'est trois... Enfin, c'est les adultes, c'est des enfants qui ont des jouets qui coûtent plus cher, quoi. Parce qu'ils sont avec leur pistolet, et finalement, ils jouent à pan-pan. Et ils sont tous très puérils, quelque part, dans leur comportement, dans leurs histoires de code d'honneur, dans l'histoire de machin. Il y a quelque part, il y a un côté, pour moi, ils sont tous... si on aime autant les personnages, je trouve, c'est parce qu'ils ont un côté très régressif, qu'on se rende compte ou pas. Ils sont dans leur truc, ils sont hors sol, et un peu comme... voilà, ils jouent aux méchants, mais ils sont vraiment méchants, ils en ont fait leur fonds de commerce, mais... Il y a des trucs autour, mais ils sont dans une autre réalité. Un peu comme quand on joue à ça, quoi. Moi, c'est, ils m'ont fait penser à ça. Et c'est ça qui nous plaît aussi. C'est dans du cinéma, donc c'est de la fiction, c'est acceptable. Mais il y aurait eu trois femmes, ça aurait pas été la même... J'en sais rien, si, ça aurait pu. Moi, c'est un a priori, hein. Tu peux avoir... Quand même, ils sont très caricaturaux, les trois. Mais alors, tu pourrais avoir trois femmes qui jouent ce rôle-là. Enfin, c'est des clichés, ça. Je pense qu'il n'y a rien qui force à ce que ce soit des hommes, en fait, tes personnages. Non, il n'y a rien, ça pourrait être des femmes. C'est juste aussi un film d'acteurs. Ouais, mais ils sont dans des clichés, ces mecs-là. Ils sont quand même dans mais des si clichés. Tu trouves trois actrices qui jouent le rôle, alors qui collent, ou tu as une synergie, ou tu as un truc, moi je l'achète. Un film différent. Moi j'achète le film aussi, si tu veux. Est-ce qu'il y a des comportements masculins dans leur comportement? Non, pas plus que ça. Tu aurais pu imaginer trois femmes. Hein. Non, ils sont pas, pour moi, ils ne se comportent pas comme des hommes, ils se comportent comme des enfants qui ont des âmes, et voilà, c'est tout. Ah oui, donc c'est pas un film masculin. En tout cas, le point de vue, le réalisateur se moque de ça, justement. D'ailleurs, c'est pour ça, c'est ce qui nous plaît, c'est que les codes... Non, ce qui est marrant, c'est que c'est des étrangers qui ont un accent, qui sont un peu boulés, avec des situations de quiproquo. Pour moi, c'est ça qui porte le film, quoi. C'est le décalage, ouais. Non, je retiens pas ton argument. Ah non, mais j'espère bien que tu le retiens pas. Excuse-moi, je te gâche ton plaisir, mais j'analyse peut-être plus froidement le truc. Effectivement, ce qui nous plaît, ce justement. Ce qui nous plaît, c'est... ou pas, hein, ça lui a pas plu. Mais... Enfin, ce qui m'a fait rire, ou ce qui m'a plu, c'est ce côté un peu transgressif, de comme quand t'es enfant et que du fois tu fais un truc qu'il faut pas faire, mais tu le fais quand même. Sauf qu'ils peuvent aller au bout de leur truc. C'est ça qui crée ce truc sympa. C'est que, en fait, quand tu vois le film, tu te dis, ils sont capables de tout. Ils sont capables de... Quand il est au restaurant. Tu dis, il va le faire, ça va, la scène, elle va basculer forcément. D'ailleurs, c'est des acteurs connus, le prêtre qui se fait buter, le mec du resto, c'est vraiment parce que c'est des acteurs assez connus, entre guillemets, c'est pas Brad Pitt, Tom Cruise, mais c'est des acteurs qu'on a déjà vus. Acteur de série, séries, en tout cas, celui dans le resto, là, c'est un acteur de série. C'est un acteur de série, le prêtre. Il joue dans Game of Thrones, d'ailleurs, en partie. Si, oui. C'est vraiment plein de séquences, plein de scénettes, et c'est lui, c'est ce qui l'intéresse, c'est vraiment le duel entre chaque personnage, c'est toujours les dualités. Hein. J'ai pas regardé les bonus, mais je pense que ça peut être un film où ils ont pris du plaisir à tourner. J'imagine le truc où ils peuvent se marrer à le tourner, en fait. Parce que des fois, les comédies, pour faire rire, c'est pas... Pour faire rire, faut être sérieux, quoi, souvent. Oui, non, mais je serais curieux de voir les bonus. Vous l'avez en DVD, non? Vous l'avez pas... Enfin, je leur demande, je l'ai pris en DVD, mais j'ai pas regardé les bonus. Je serais curieux de voir. Parce que les acteurs, en tout cas, je trouve que ce genre de film rend... Enfin, ce que tu disais tout à l'heure un peu, Antoine, avec Colin Farrell... C'est que je trouve que ce sont des films qui te rendent les acteurs sympathiques. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est ça la force du film aussi. La force du film, c'est les acteurs. Oui, parce que tu vois, même moi qui n'aime pas du tout le personnage de Colin Farrell, et je pense que là où je rejoins Arnaud, c'est que moi, justement, ce qui ne marche pas du tout sur moi, c'est ce côté régressif, en fait. Par contre, il joue très bien, Colin Farrell. J'adhère pas du tout à son personnage et à tout ce qu'il fait, mais par contre, en tant qu'acteur, il faut reconnaître que les acteurs, il n'y a rien à dire. Quoi. Enfin, ils jouent tous très bien. Ouais. Alors, l'heure est venue de choisir les petits moments marquants, la petite scène, le petit plus. Bon, bah, il n'y a que ça dans ce film. Ou le petit moins, oui, mais. Il y en a trop. Il y en a trop. Oui, mais une, par exemple, vous n'aviez pas vu le film depuis quelque temps, bah, il y en a, t'as dit que tout à l'heure, t'avais oublié la fin, par exemple, nanana. Bon, bah, une scène un peu qui vous a marqué en plus. Moi, j'ai déjà dit, moins. C'est la scène avec les Américains au début. Le fait qu'il y a la petite course de l'Américain autour de Colin Farrell. Le fait que Brandon Gleeson, ils viennent et ils disent la même chose que Colin Farrell sans se consulter avant. Et le fait que toute cette scène soit un fusil de Tchekhov pour la fin du film. Voilà, cette scène-là, j'adore. C'est vrai que c'est original. Elle était exceptionnelle, je trouve. Ok. Sylvia, quand même, une petite scène. Eh ben moi, les deux scènes, pour moi, marquantes d'un point de vue positif, je l'ai déjà dit, c'est deux dialogues entre Ralph Fiennes et Gleeson. Voilà, celle où on les voit au café où ils se rencontrent et et où il parle de la famille en des termes peu appropriés. Et puis celle de dans la tour, mais une fois qu'ils sont dedans et où il nous parle de code d'honneur, etc. Parce que je trouve que leur relation est jolie, en fait. On sent malgré... C'est pas les moments marrants, toi, en fait, qui te plaisent. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, les moments marrants, je les trouve pas drôles. Donc, forcément, ça ne me plaît pas. T'as plus vu la poésie, la mélancolie. Ouais. Ouais. Non, mais du coup, tu peux trouver, effectivement, dans ce film-là, il n'y a pas que des moments marrants, quoi. Mais alors, du coup, je te dirais que pour moi, il n'y en a quasiment pas. Et par exemple, vous avez fait référence au passage avec le personnage de petite taille, en fait, mais ça me... Quand ils ont le débat sur les noirs, les blancs, sur les... génial, c'était pas là. Quand ils sont sous la drogue, là, ils font putain, ouais. On trouve un raciste. Mais ouais, c'est ça, ils transgressent tout. Et alors ça, les Vietnamiens, et les Vietnamiens, et alors les noirs, les nains noirs. Hein. C'est génial. Non, ça t'a pas fait marrer, Sylvia. Bon. Non, mais en fait, c'était pas cette scène-là. Le côté du personnage récurrent que je trouve pas très intéressant, enfin... Bah, il sert l'histoire plus qu'autre chose. Hein. Oui, mais si tu veux, on en revient. Ah oui, ça a peut-être ce côté régressif, mais qui marche pas du tout pour moi. Et du coup, pour moi, ces scènes, elles n'ont pas d'intérêt. C'est le Easter egg. Bon, eh ben, ça marche. Tu as le droit, Sylvia. Qui c'est qu'on n'a pas eu, Antoine ? Je n'ai pas dit toutes les phrases marrantes, parce que toutes les scènes marrantes, parce que j'en ai déjà parlé. Non, moi, ce qui m'a marqué, c'est parce que je l'avais oublié, c'est la fin, en fait. Justement, quand tu disais, je crois que c'est toi, Seb, qui disais qu'à un moment, il doit révéler un truc qui pourrait le flinguer, mais en fait, il n'a pas le temps de finir sa phrase, l'autre se flingue. En fait, et je fais, ouais, c'est le film se boucle, en fait. Enfin, il y a... Ouais. Vous pouvez pas finir mieux, en fait. Reprécise, peut-être. Moi, j'ai pas compris. Ah non, on va spoiler après. Bah, vous avez déjà quasiment tout spoilé, hein. De toute façon, il n'y a plus rien. À la fin, en fait, donc, il y a un tournage dans la ville. Et Ralph Fiennes. Bon, bah alors attention, alerte spoiler. Bon, attention, il y a plusieurs des alertes, il fallait les faire avant. T'as Ralph Fiennes là qui court après Colin Farrell, voilà. Et en fait, il le shoot et c'est exactement la même scène que le prêtre. C'est-à-dire que en shootant Colin Farrell, il tue un nain. Sauf que. Enfin, le. Il tue oui, un nain. Enfant il tue pour le lui. Nain. Il personne tue de petite taille. Mais en fait, en plus, il tue le nain qui est habillé comme un écolier. Donc, plus, il est habillé c'est comme ça un qui enfant. Est drôle aussi. Ouais, oui. Habillé et comme plus, un il a utilisé une balle qui fait péter le crâne. Ouais. Donc, l'autre pense à l'enfant. Oui, on est d'accord. Quand Colin Farrell tombe, Ralph Fiennes, en fait, a cette impression qu'il a tué un enfant. Et en fait, l'autre, il va dire mais non, c'est pas. Et à ce moment-là, il se met pas... flingue dans la bouche. Et il va dire c'est pas un gamin pour pas qu'il se. Il dit mais non, mais t'as pas tué un gamin, donc ça sert à rien. Et en disant ça, effectivement, tu l'aurais tué. Mais donc, moi je trouve ça génial, pas très malin, parce que pour toi il survit. Mais oui. Ah bah oui. Ah oui. Ah bah oui, survit. Survit. Ah, on avait le même débat. Si t'écoutes bien le dialogue de la fin, moi je suis pas sûr que il survit. Ah, je suis d'accord avec ça. Alors c'est marrant, fin ouverte, fin ouverte, voilà. Bah, moi pour moi il survit parce qu'il dit parce que pour moi sa voix justement il te raconte ce qu'il a pensé et du coup s'il te le raconte c'est qu'il est pas mort. Si, parce que je t'assure que ce qu'il dit, j'ai prié, il y a des termes de passé, etc. Alors après, il faudrait peut-être regarder la VF et la VO, mais pour moi, en VF, il meurt. En fait, pour moi, en VO, il dit « j'espérais que je ne mourrais ». En fait, il, eh ben oui, il j'espérais que je ne mourrais pas, donc je suis mort. Il utilise un espèce de conditionnel, mais qui n'est pas tranché, en fait. Tu sais pas trop... Moi, pour moi, il meurt pas, mais bon, c'est un avis. Mais bon, non, mais de toute façon, le film n'est pas là-dessus. Il est révélé à lui-même au moment où il va mourir. Pour moi, c'est ça qui est beau. Pendant cette courte expérience, il s'est passé plein de choses et il a. En fait, il est sur une voie de rédemption, mais ça passe par ça, quoi. Mais après, de toute façon, je dirais qu'il meurt ou qu'il meurt pas, ça change pas grand-chose au film. Mais pour moi, il mourrait pas, mais peut-être qu'il meurt. Hein. La phrase, elle est ambiguë, en tout cas. Arnaud, toi, une scène. Alors moi, ma scène préférée, c'est les doubles effets qui se coulent. C'est quand comment il s'appelle le méchant là, Harry, non ? Ouais, Ralph Fiennes, ouais. Harry. Oui, voilà, il téléphone à Ken, à Brendan machin. Il l'appelle, il doit être en Angleterre et l'autre lui dit, je résume, viens me chercher, viens me tuer parce que de toute façon, moi, je veux pas tuer l'autre et en gros, je désobéis, quoi. Je vais pas faire ce que tu m'as demandé. Donc l'autre, il entend ça, il prend le téléphone et moi là, moi à sa place, j'étais dans la même position que lui, c'est que j'ai fait preuve d'une totale empathie et je me suis dit, je suis à sa place. Et ben le téléphone, je l'explose et c'est exactement ce qui s'est passé. Et autant te dire que c'était assez vulcano-statique, c'était assez jubilatoire. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'il explose le téléphone, il ne s'arrête pas. Et il y a les enfants. Tu sais, tu as la caméra qui avance et on voit les enfants derrière. Et tu sais, tu as la petite famille gentille. Et lui, il est en train de s'exciter. Il y a un décalage qui est énorme. Et ce que j'adore, c'est que la femme arrive. Et là, là c'est le deuxième effet qui se coule. Elle dit, elle lui dit... Enfin, il y a trois effets, en fait. Elle lui dit, mais calme-toi, Harry, c'est un objet inanimé. Et lui, et là, là, c'est la violence absolue. Et en fait, il est sans filtre. Et il lui dit vraiment ce qu'il pense vraiment de sa femme. Il lui dit, toi... C'est toi l'objet inanimé. Et ça, c'est d'une violence. Ça, j'ai jamais vu autant de violence dans un film parce que c'est, en gros, c'est voilà, c'est la place. C'est terrible, hein. C'est terrible de dire ça. Enfin, après, il va dire, oui, je pensais pas ça et tout, mais je pense que là, il y avait, c'était en liaison directe. Il y avait plus de et au moment où il le dit, mais je pense que après, il s'excuse, mais il le pense vraiment, quoi. Oui, il le pense vraiment parce que c'est, il est dans sa, il gère sa famille et tout. Et c'est d'une, et la femme, elle regarde comme ça. Et de toute façon, elle est terrorisée. Elle reste avec lui, pas par amour, hein, je pense. Et ça m'a vraiment fait rigoler parce qu'elle lui dit, putain, elle lui dit, c'est un objet de calme-toi. Il est vraiment, puis il s'arrête pas de taper comme ça. Puis il y a les enfants et tout. Et là, tu dis, c'est déjà rigolo qu'elle dise ça parce que, et lui, en plus, il dit non, c'est, non, non, c'est pas ça, c'est pas un objet inanimé, c'est toi l'objet inanimé. Mmh. Mais ça sous-entend aussi que t'es inanimé, mais en gros, ce que j'ai fait au téléphone, je pourrais le faire à toi. Et la violence, elle, j'ai trouvé ça. Enfin voilà, c'est, après, ça reste un film, j'en ai conscience. Mais c'est une violence. Et là, je pense qu'il y a des gens qui existent et qui sont comme ça dans la vraie vie. Et là, on voit un peu ça en truc. Oui, et je plains les femmes en l'occurrence. Hein. Exactement. Non, mais c'est, oui, on est d'accord. Mais là, mais comme ça a été dit, parce que là, j'étais à la place de lui, j'étais à la place d'elle, je faisais des va-et-vient, j'étais même à la place du téléphone qui s'était fait massacrer. Et il y avait une espèce de. Ouais, une violence domestique. C'est le monde du travail qui vient s'inviter. Oh, c'est un nerveux, hein, tout voilà, façon, et ça, ça m'a bien fait. Avec, ah mince, je dis une deuxième scène où il court et il y a la musique comme ça, il y a enfin une scène d'action. Et j'ai dit, waouh, il y a de l'action, c'était trop bien, j'étais trop content que ça court. Voilà. Et toi, Seb ? Bah, moi, je l'ai un peu dit tout à l'heure, moi, c'est la scène entre Ralph Fiennes et Colin Farrell quand ils sont à l'hôtel, là, enfin, à la fin, qui est en haut, qui t'as la femme au milieu, la gérante. En plus, ils veulent la dégager, alors qu'elle, elle dit, mais je suis chez moi, je veux pas partir. Elle est enceinte. Elle se fout dans l'escalier. Et les deux, puis à un moment, jusqu'à leur compte à rebours où ils comptent un 3, ils se barrent l'un de. Enfin, je trouve la scène, elle est. Et puis il fait 1, 2, 3, il le dit super vite comme ça. Des enfants. Oui, c'est limite, c'est ça, c'est allez, 1, 2, 3. Non, mais il a fait vite, il fait 1, 2, 3. Tu vois que c'est des enfants parce qu'on serait dans un film en regard de mafieux traditionnel, la fille elle se prendrait une balle et on en parlerait c'est plus. Ça. Tu vois. Ouais, là, je trouve que c'est une scène qui est surréaliste, mais du coup qui me fait marrer parce que tu te demandes au milieu, c'est quand même des tueurs, les mecs ils se tirent dessus, et t'as un espèce de. Ouais, des gamins qui jouent à chat, cache-cache, je sais pas quoi. C'est ça, ouais. Ok. Il y a un dialogue aussi qui m'a fait rire, alors je sais pas si c'est. C'est moi qui ai extrapolé la scène parce que j'étais déjà à fond dans le film. Ou s'il veut y avoir un effet comique, c'est qu'il explique à un moment pourquoi Bruges, en fait. Pourquoi est-ce qu'il les envoie à Bruges, tu sais, alors il oui. Fait tout un hiatus. Puis à la fin, il dit « Parce que j'y étais quand j'avais 7 ans. » Le gars, il a 50 oui, ans. C'est ça. Je n'ai rien vu d'autre. Fairy Tail. Il parle de Fairy Tail, le conte de fées. Ouais. Pour lui, c'est. Et c'est marrant. Et c'est déjà. Alors après, dans le film, c'est un peu comme les films américains où tout est déjà. Les éléments sont déjà en place. C'est là où il se voit mourir, en fait. Et donc, en fait, il envoie Colin Farrell pour qu'il meure là-bas. Mais moi, dans le dialogue, je sentais bien qu'il allait arriver et qu'il allait. Que ça allait peut-être. Il avait déjà préparé sa mort là-dedans ou. Enfin, c'était un petit peu déjà annoncé, tu vois. Oui. C'est tout le film, il est, il y a toujours, il y a une petite pompe qui amorce le truc en filigrane, quoi. Ouais. Bon, l'heure est venue de noter ce film. Il faut démarrer il faut finir sur une note positive. Donc Sylvia, quelle est ta note sur l'échelle L'échelle de Richter, tiens, c'est intéressant. Ah oui, on pourrait noter sur celle de Richter, mais jusqu'à maintenant, on n'était pas déjà sur l'échelle Richter. De Richter. Hein. On était toujours sur notre téléphone, notre écran de cinéma, le 4K HD, le streaming. Alors, même si je l'ai vu sur mon téléphone, hein, un petit bout sur la télé et le reste sur le téléphone, et même si j'aime pas le film, je pense qu'il mérite mieux que ça. Donc Ah mais c'est pour ça que tu l'as pas aimé, parce que c'est un film de dialogue, tu l'as vu sur un tout petit écran, ça a pas dû aider. Et en VF. Et donc du coup je vais dire à la télé. Moi je te propose de retourner le voir au cinéma quand il va ressortir. Non, c'est bon, je l'ai vu deux fois, si tu veux, la première fois j'avais je déjà pas aimé. Je te propose de venir au cinéma, tu viens au cinéma où je travaille et je te fais une séance privée. Bon alors un petit bout de télé quand même pour Sylvia. Alors Antoine. On va au ciné hein. Et alors d'ailleurs tiens pour en revenir à la télé, depuis le 29 juin. Donc on est le 1er juillet, donc c'est pas vieux. C'est il pas est vieux, disponible ouais. Sur Max. Ah, très bien. Pierre ? Au ciné, c'est bien, ouais. Ouais, moi, je l'ai pas découvert au ciné, mais je regrette parce que je pense que c'est un film, tu sors et tu peux en reparler avec les gens avec qui tu as été le voir. Enfin, comme beaucoup de films, mais celui-là. Et toi? Ouais, ciné, mais bon, de toute façon, je dis toujours ciné, vous avez compris. Oui, mais, ouais, on a compris. Parce que surtout si les films, je les aime pas au cinéma, ça passe mieux. Mais c'est surtout que là, il y a. Non, parce que payer sa place, des fois, c'est du foutage de gueule. Hein. Moi, il y a des films, surtout pas oui, ciné. Oui, mais hein. Tu payes pour voir, donc quelque part, après, voilà, tu payes pour voir. Il ouais, y a des films, c'est de la merde. Bon, enfin, vas-y. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a. Bon, il y a Bruges, mine de rien. L'intimité, parce qu'il y a beaucoup de face-à-face dans ce film où ils discutent. Et cette intimité au cinéma, elle est comme si tout est sublimé au cinéma, ça rend le truc plus fort, je trouve. Ça rend le. Je pense que c'est comme si c'était avec eux bien. Dans la pièce. Ça fait ouais, théâtre quand ouais, t'es au ouais, cinéma, ouais, pense, ouais, beaucoup ouais. plus. T'es témoin du truc. Quoi. Exactement. Non, puis après, de ce qui me revient de ce film-là, même si je l'ai vu dans une salle de cinéma pour le coup qui était vraiment toute pourrie, du style une salle qui fait 50 places, une petite salle pas bien. Malgré tout, je revois les gens, je réentends un peu des gens rire et tout. Et c'est peut-être ça. Alors peut-être que les gens, des fois, riaient beaucoup. J'ai dû louper la finesse des dialogues de certains trucs. Parce que là, je l'ai vu tranquillement chez moi, dans de bonnes conditions. Et il tient sur les dialogues et sur les acteurs, ce film. Bon, bah, très beau score, Pierre, quand même. Tu fais 4 ciné à une télé. C'est un beau score. Bravo. Bravo, bravo. Tu fais même mieux que The Thing, qui était pourtant un excellent choix déjà. Mais on était quasiment sur le bois, je sais plus. On était un peu moins, peut-être, oui. C'est vrai. Non, parce que Sylvia n'aime pas. En fait, Sylvia n'aime pas tes films, Pierre. Ah bah ça... Je crois que globalement. Globalement, c'est ça. Hein. De toute façon. Soit tu veux buter un chien à la première scène, Pierre. Soit tu fais des dialogues entre gars, il n'y a pas d'action. Donc Même les films d'avant, hein, quand je pense à Demolition Man, quand je pense à Menteur et des trucs comme ça, je ne pense pas que ce sont des films que Sylvia a beaucoup aimé. En fait, c'est vrai qu'on comprenne toute ta liste. Les derniers, sur la là, dernière année. C'est vrai que... Non mais même depuis le début. Ah si, Pierre, je me souviens. Non mais au tout début de nos podcasts, quand notamment je me souviens des films de sport, je crois que c'est toi qui avais mis Rush. Je ne sais plus. Oh, non mais à cette époque-là, on mettait trop de films. Une fois par erreur. Attends, une fois par erreur, il a mis un film qu'il connaissait pas. Ah non. Attends, à cette époque-là, on rajoutait des films tous les deux jours avec Seb pour. Ouais. Rappelle-toi, il avait mis Primeur aussi. Ah non. Primeur, c'était trop bien. Et si le marchand de fruits. Et l'autre jour, j'en ai entendu parler. Enfin, bon, oui, c'est génial, c'est film. Histoire, vous êtes des nuls. Primeur, le film sur le marchand de légumes. Sur le marchand de légumes, il est génial ce film. C'est un film de voyage passe-temps, enfin avec ouais. une notion avec de voyage un dans le temps. De 1000 euros, quoi. Qui est un peu, faut avoir le cerveau accroché. Il est que cérébral. Enfin, bon, bah voilà. On a fait le tour de ce film et avant de... On va revenir, alors on va passer la main à Antoine, parce qu'Antoine tenait à l'intro, il nous a parlé de sa recommandation littéraire, de son teasing. Donc vas-y Antoine, qu'est-ce que tu nous recommandes ? Donc ouais, je me suis mis dans la lecture de l'auteur Pierre Lemaitre, l'auteur d'Au revoir là-haut et l'auteur aussi de la série, alors une série qui a été diffusée, je crois qu'elle est toujours disponible sur Arte TV, avec Eric Cantona, qui s'appelle Cadre Noir. C'est des bouquins de... Enfin pour l'instant, ceux que j'ai lu qui font à peu près 300 pages, donc ça se lit assez vite. Elle a écrit une trilogie sur... bon, c'est un flic qui s'appelle Verhoeven, donc rien à voir avec le réalisateur. Sa spécificité, c'est qu'il est nain, en fait, voilà. Donc ça colle en plus avec le thème de ah, t'es en lien avec le podcast. Et c'est super bon à lire, c'est prenant, mais l'enquête policière. C'est les premiers, non? Parce que c'est les premiers, ouais. Donc j'essaie de le faire par ouais. ordre, plus ou moins de naissance des livres. Et donc là, j'en ai lu quoi? Alors c'est une trilogie avec, c'est comme les Trois Mousquetaires. Hein, c'est une trilogie où il y a 4 bouquins. c'est lequel le premier qu'on se trompe pas alors? Travail soigné. Après il y a Alex. Donc ça, c'est les deux officiels. Après, il y a une espèce de non-officiel très court. C'est les grands moyens. Non, c'est les grands moyens. Donc ça, c'était à la base, c'était un feuilleton radiophonique et il en a sorti un livre. Donc c'est très, très court, mais ça se lit super bien. Et enfin, le dernier, Sacrifice. Franchement, des bouquins, je les lis, c'est... je tourne les pages là. Et enfin voilà, je conseille si vous êtes au niveau de l'été. Donc j'ai pas encore attaqué la trilogie Les Enfants du Désastre ou le premier tome. Il avait écrit des nouvelles aussi, je crois. Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai dû. Effectivement, son écriture, elle est très, c'est très confortable à lire. Ah ouais, c'est facile à lire et c'est prenant. Ouais. Enfin, je vois la série sur les flics et la fin, elle tient debout. Et c'est des livres. Alors, on peut oublier le quatrième livre de la trilogie parce que il reprend les personnages, mais il fait pas avancer l'histoire avec un grand H. Mais à la fin de la trilogie, il faut avoir lu les premiers bouquins, enfin les deux premiers livres, sinon la fin, on n'est pas sûr de tout comprendre en fait. Ou alors, on la trouvera franchement moyenne. Donc voilà, je continue en essayant de lire tous ces livres. C'est vraiment, vraiment super captivant. D'accord, donc Pierre Lemaitre. Très bien. Qui a une petite recommandation? Allez Arnaud, là, je te sens perplexe. Vas-y, tu nous recommandes. Une recommandation quoi? Vous voulez quoi? Ciné, livre? Bon, ce que tu veux, si t'as rien, t'as rien. Non, bah peut-être une série qu'on doit trouver facilement sur les plateformes qui s'appelle Dark Wind, qui se passe dans une réserve Navarro où il y a. Voilà, ça parle de. Ouais, un peu de la condition des Indiens. Il y a. C'est un polar. Hein. C'est un polar et c'est bien. Les personnages sont bien ancrés, on s'attache aux personnages, la culture indienne est bien... En fait, c'est comme un polar classique, sauf qu'effectivement, en plus, il y a un peu le drame indien ou les coutumes indiennes, tout en... Voilà, la police, le fait que les Indiens sont un peu pas pris au sérieux. Et surtout dans des décors magnifiques, ça se passe dans le désert. Une belle, ça fait du bien de s'aérer la tête et... Dark Wind, ok, ouais, ça marche. Ça. Pierre ? Bah, j'ai eu... Notre maître, Pierre le maître. Je sais tout, plus tout ce boucle. La dernière fois tout déjà, parce que je me repasse sur mes notes de film. J'avais regardé Asbestas, qui était une recommandation de. Ah, Antoine, ça c'est bien ça. Que j'avais bien aimé. Ah ouais. Oui, moi j'ai pas trop aimé. Moi j'avais été déçu. Moi j'ai bien aimé. Ouais, un peu déçu. Oh, et j'ai regardé un autre film aussi que je connaissais pas, qui est un vieux film pour le coup des années 90, qui s'appelle L'Éveil avec Robin Williams et Robert De Niro. Je connais pas celui-là. Il est sorti sur Netflix il y a pas si longtemps et je l'avais jamais vu. Et il a genre 8 sur IMDb, un truc comme ça. Mais pourtant, je connaissais pas. Et j'ai trouvé pas mal pour le coup. C'est sur, en gros, un. Dans les années, je sais plus, 70, voire même avant, médecin qui expérimente de la chimie, enfin des médicaments sur des malades neurologiques. Et c'est plutôt pas mal comme film, assez intéressant. C'est Robin Williams, le médecin ? Oui. Et le malade, c'est De Niro. Robert De Niro. C'est ça. Ah ouais, ça me parle, ouais. Je l'ai jamais vu, et vraiment pas mal du coup. C'est limite mélodrame, machin, mais ça passe sur la crête, ça va pas du côté du mélo. Ça va pas trop du côté mélo, ouais. Ça reste digne, ouais. C'est ça. Ouais, t'es bien suivi. Ouais. D'accord. Donc L'Éveil. Ouais. Ça marche. Bon, vas-y Sylvia, honneur. Moi, c'est une série, ça s'appelle The Girls on the Bus. C'est une série qui est disponible sur Max, du coup. Et c'est des journalistes qui suivent la campagne américaine, qui suivent en fait les primaires démocrates. Et donc, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a des bus de journalistes qui suivent chaque candidat démocrate pour raconter ce qui se passe dans leur meeting. Et le but pour eux, c'est éventuellement d'aller suivre le candidat qui va gagner, notamment la présidentielle, pour être après le journaliste à la Maison-Blanche, etc. Ah, et se faire accréditer et ouais, tout, quoi. Et donc, en fait, c'est une critique à la fois du monde journalistique. Alors, t'en as une qui va représenter, par exemple, une chaîne qui... et clairement Fox News, hein, c'est pas cité, mais on voit bien que c'est ça qui est visé. D'autres, t'as une podcasteuse ou une youtubeuse aussi dans l'équipe, et puis des journalistes de presse. Et c'est en toile de fond, il y a une critique un peu des systèmes des élections américaines, de la médiatisation à outrance, mais on parle aussi de thèmes sur l'avortement et notamment les interdictions dans certains États, etc. Donc c'est à la fois très léger et en même temps, il y a quand même une toile de fond qui est sérieuse. Mais ils surfent sur des candidats presque actuels ou complètement fantasmés ? C'est-à-dire que globalement, non, ça fait Trump, Biden ou pas ? Non, ce qu'on suit essentiellement déjà, c'est la campagne des démocrates. Donc on va dire qu'il n'y a pas de... Mais du coup, c'est un Biden l'équivalent ou non ? Non, pas vraiment. Il y a pas de Biden, en fait. Il n'y a pas Biden et il n'y a pas Trump. Alors, il y a quand même un qui est un ancien acteur. Ouais. Et qui, d'ailleurs, va lâcher l'affaire parce qu'être acteur, c'est quand même mieux. Mais, et puis, c'est plus... tu as un candidat qui peut paraître bien sous tout rapport, alors qu'en fait, il a magouillé comme les autres, y compris avec des financeurs. Il y a aussi toute la critique de l'argent dans les campagnes américaines, des dons, etc., des manipulations. Donc voilà, moi j'aime bien sous ces dehors un peu légers et un peu relations féminines. Alors pour le coup, ça serait une série de filles si on devait parler que des personnages. Je dis ça parce que c'est, même s'il y a des rôles masculins qui sont intéressants, ça reste, les principaux rôles, c'est des personnages de femmes. Et ça va aussi sur les relations qu'elles vont pouvoir avoir entre elles qui rendent la chose un peu plus légère que juste une critique du système américain. Mais j'aime bien quand il y a un mélange, en fait. Est-ce qu'on voit beaucoup le système de la cour ? Oui, et des limites. Ouais. D'ailleurs, des limites du journaliste. C'est-à-dire, tu peux courtiser, mais tu as des limites à ne pas franchir pour pas qu'on puisse dire que tu t'es accoquiné avec le candidat, en fait. Donc, c'est aussi toute la limite de jusqu'où tu peux aller. Ok. Ah, je me suis trompé, en fait. Je me suis trompé au niveau de ma recommandation. Ah, mais c'est pas grave. Moi, j'en ai pas vraiment. Alors, comme j'en ai pas, bah, dans ce cas, je reviens à mes fondamentaux quand j'en ai pas. Il y a eu que 2 épisodes, j'ai pas encore vu le 3e. House of the Dragon. Je vais regarder juste après, je pense. Ouais, bah après, il faut que je le regarde. Et en fait, pour l'instant, ça démarre très calmement, donc je mentirais en disant c'est génial et tout. Mais déjà, le générique, il est génial. Là, ils ont fait un nouveau générique que je trouve magnifique. Et puis, c'est important. C'est une des rares séries où le générique, j'adore le regarder. Et puis, en fait, j'adore cette ambiance, ce monde. Mais voilà, la série, elle démarre calmement pour l'instant. Mais j'aime bien les dialogues. Hein. Non, mais c'est des scènes de dialogue. Il n'y a pas beaucoup d'action. Et c'est reposant comme série. Et je trouve ça génial, en fait. En fait, c'est génial, mais en même temps, faut vraiment aimer l'univers et je peux comprendre qu'on n'aime pas. Et pour l'instant, j'ai vu que 2 épisodes, donc c'est compliqué de dire que c'est génial, mais j'ai rien d'autre à dire. Si on a vu la première saison et que. Parce que moi, j'ai juste lu un truc, mais qui était plutôt positif, mais il faut prendre le train en marche, c'est-à-dire qu'il faut se remémorer la première. Ils font pas de. Ah bah oui, oui, mais. Ça redémarre bien où ça avait fini. Ah bah oui, pile. Mais sauf que du coup, tu peux avoir un peu. Comme avant, hein, comme les autres séries. Hein. Eux, ils continuent à vivre leur vie et puis nous, on doit. Ah bah c'est à toi de t'adapter. Si t'as pas vu la saison 1, tu comprends rien. C'est sûr, hein, mais bon. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Mais bon, voilà, moi je trouve que c'est une série de qualité. T'as des images, c'est fait dehors, c'est dans des décors réels. Il y a quelques incrustations dégueulasses, mais globalement, il y a un savoir filmé, quoi. D'ailleurs, comme le Comte de Monte Cristo, honnêtement, d'ailleurs, je reconnais. Tu l'as vu, le Comte de Monte Cristo, Seb ? Attends, je rajoute un truc avant d'embrayer sur Monte Cristo, là. Nous, on a pris un abonnement à Max, donc c'est HBO. Ouais. Et j'ai regardé. Max ou Amazon Max ? Non, Max. Non, que Max. Que Max. Et j'ai regardé le premier épisode de The Wire. Et c'est vachement bien. Voilà, j'ai envie de me la refaire. Ils l'ont mis en 16/9e ou pas ? Oui, en 16/9e. Je pense que je vais me la refaire bientôt, si possible. Régulièrement, je leur fais soit The Office, soit The Wire, de toute façon. Entièrement. Il faut le faire. Mais par exemple, ouais, j'ai été voir. Alors, je le recommande pas que c'est mauvais, mais. C'est un peu long. Mais Monte Cristo, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport aux Trois Mousquetaires et trucs comme ça. C'est que c'est bien filmé dehors, t'as des beaux paysages, la caméra elle se pose et moi j'apprécie au cinéma des fois, et c'est ce que j'aime dans House of the Dragon, c'est que t'es dans des vrais paysages naturels, ça fait pas tout faux, tout pourri ou... Et moi j'aime bien des beaux plans, et dans Monte Cristo les plans sont assez magnifiques, donc après y a tu vois, le film a des défauts. The Wire, c'est des vrais décors, mais ça fait tout pourri quand même. Ouais, mais c'est à Baltimore quoi. Enfin, bon, bah sur ce... Et par contre, qui fait le prochain coup et avec quel Alors, thème le prochain coup, ce que j'avais dit, c'était que c'est à Seb de choisir un film et qu'après, pour le choix du thème, c'est soit Arnaud, soit Pierre. C'est moi, j'ai pas choisi de film, de thème encore sur cette série. Mais tu choisis des bons films, t'as tu vas pas choisi encore Bon, bah alors c'est toi. J'avais mon thème pour Seb, je l'ai déjà, je peux l'annoncer si vous voulez. Bah vas-y, bon, vas-y. On attend. Le thème, c'est Steven, mais pas Seagal. Comment ? C'est Steven mais pas Seagal. Voilà. C'est débrouille-toi avec ce thème. Ah, j'aime Steven. Il y en a déjà un qui est facile quand même. Ouais, il y en a qui sont faciles quand même. Ouais, mais bah, ça va être de challenge. Sortir de celui qui est facile. Je veux ouais, du challenge. Je veux du challenge. En fait, alors sinon, pas les challenger avec ni Seagal et ni Spielberg, tu vois. Bah non, ouais, mais bon, non, non, mais c'est le challenge. Ok. Non, mais bon thème, ouais, bon thème. En plus, ça permet de rendre hommage au meilleur d'entre nous. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, l'autre jour, il y avait un double film Seagal qui passait en soirée. T'avais deux films à la suite. Il y avait Échec et mort et suivi de je sais plus quel était le deuxième. Rien que le nom du film quoi. C'est ça. Mark to Death. Oui, bah, tu sais, bon baiser de Bruges, tu m'excuseras, c'est un film. Alors le film original est quand même le titre original est quand même mieux que ça, hein. La traduction française est encore pourrie, oui. Hein, clairement. Oui. In Bruges. Ouais, je suis désolé, ça fait presque le vieux nanar le titre original en français quoi. Oui, bah oui, mais ouais, c'est à l'époque on traduisait tout n'importe comment. Les évadés quoi, par exemple. Ouais. Ah ça c'est le pire. Meilleure traduction du ça monde. C'est le pire spoil de tout ouais. L'univers. Non mais le film ils l'ont sorti. Le film c'était M6, enfin c'est SN Société Nouvelle de Distribution qui avait sorti le film, je crois, et il l'avait sorti un peu comme Snatch ou de Guy Ritchie. C'était ça un peu le. Mais c'est que le marketing qui a fait la traduction. Hein. Oui, c'est ça. Ils l'ont vendu comme ça. D'ailleurs, même la bande-annonce, elle était. Un acrime botanique, quoi. Tu vois le truc comme ça, un peu. Voilà, exactement, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, je pense que là, j'ai pas eu la bande-annonce, mais j'imagine qu'ils l'avaient presque tourné un peu action. Un peu alors pichu, qu'en ouais, fait, ouais. Le film, c'est pas du tout ça. Donc, c'est plutôt une bonne surprise quand tu. Bon, bah, ok, Steven, mais pas Seagull. Ok, et ben sur ces bonnes paroles, on vous souhaite un bel été. Et donc, si jamais vous écoutez les épisodes dans l'ordre dans lequel ils apparaissent, si vous voulez écouter le suivant, il faut sauter. le suivant, il y a un paradoxe temporel. Il y a un paradoxe temporel là. Donc faut sauter un épisode pour avoir l'épisode 34. Et aller voter, mais peut-être que l'épisode sortira après les votes. Donc on est entre deux tours là, donc c'est un peu. Eh ben ça marche. Ah ouais, on aurait pu faire un film original sur la politique Les Deux Tours. C'est plutôt la tour sombre là. Bon, et ben allez, à bientôt. Ciao. Ouais. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Allez au cinéma, hein. Allez au cinéma, c'est important.